19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. La découverte d'une tombe princière suscite toujours émoi, notamment celle d'époque gauloise, l'âge du fer, comme à Vix, If, Lavaux, Warc. Plus rare est d'en trouver pour des périodes plus anciennes. C'est ce qui vient de se dérouler cette semaine à Giberville, dans le Calvados, où une tombe princière de l'âge du bronze ancien a été mise au jour sous un futur lotissement. Celle-ci contient un mobilier d'exception, preuve du champ social de l'inhumé, à une époque où régnait déjà une forte inégalité. Elle est surtout un bon témoin d'une culture, celle des tumulus princiers d'Armorique, qui se développe durant la première moitié du deuxième millénaire avant notre ère, il y a environ 3800 ans. Pour en parler, en direct et au téléphone, Cyril Marcigny, bonsoir. Bonsoir. Archéologue, spécialiste de l'âge du bronze, vous êtes directeur scientifique et technique à l'INRAP en Normandie. Sur le terrain, cette tombe a été fouillée par votre complice Emmanuel Gacquière. Cyril Marcigny, 3800 ans, ce n'est pas rien. Dans quel état était le prince ? Alors la tombe était assez mal conservée, il faut bien l'avouer. On a beau être dans un terrain qui est plutôt favorable à la conservation de l'os. L'os était ici assez rongé par l'acidité du sol, hein, donc il nous reste que quelques os de cet individu. Lesquels ? Il nous reste des parties d'os longs et quelques parties du haut du corps. Comme en Bretagne, l'acidité du sol est visiblement puissante. À ce propos, vous avez vu l'annonce d'un squelette de l'âge du bronze à Plougouvelin, dans le Finistère, qui a failli d'ailleurs être pillé la semaine dernière. Oui, c'est un très très joli site qui est fouillé actuellement par Stéphane Blanchet, qui est aussi de l'INRAP. Donc un ensemble funéraire très important avec plusieurs tombes, hein, et il y a quelques tombes qui présentent encore des os, hein, grâce à un remplissage un peu sableux. Et ça, c'est vraiment très rare en Bretagne. C'est très très rare en Bretagne. C'est beaucoup moins rare chez nous, mais en Bretagne, c'est très très rare. Alors la tombe a failli être pillée donc à Plougouvelin, et grâce à un voisin, les pillards masqués se sont échappés. C'est un vrai risque pour cette période de l'âge du bronze. C'est là de plus en plus un risque, en tout cas. Hein. Les sites sont exposés, très clairement, et certains pilleurs, il n'y a pas d'autre nom, n'hésitent pas à venir le week-end, espérant trouver quelques trésors. Généralement, ils trouvent rien de très, très fameux, en tout cas pour eux, mais ça détruit les sites. Cyril Marcigny, le prince de Giberville possède un grand poignard de bronze. Dernier cri de la technologie de l'époque ? Oui, tout à fait, dans ce début de deuxième millénaire, les grands poignards en bronze, hein, donc le début de la métallurgie du bronze, hein, c'est quelque chose d'assez poussé au niveau technologie. C'est-à-dire que les premiers objets produits en bronze sont immédiatement des armes, des poignards ? Oui, pas que, on a aussi quelques éléments de parure, mais ce qui nous reste, hein, parce qu'il nous reste très peu de choses par rapport à ce qui a été produit à l'époque, puisque l'intérêt du bronze, c'est qu'il est recyclable à l'infini, hein, donc ce qui nous reste dans les dépôts, dans les tombes, plus particulièrement, ce sont des armes d'apparat, hein, qui n'ont pas forcément servi. Et ces armes apparaissent dès le tout début donc de l'âge du bronze. On peut le dater à peu près de quelle période ? 2000 avant Jésus-Christ ? Oui, pour les premiers éléments, on est là autour de 2100, 2000 avant Jésus-Christ. La tombe de Giberville doit être un peu plus récente. Elle doit être entre 2000 et 1700 avant notre ère. En Normandie, d'où vient le cuivre, l'étain pour fabriquer cet objet ? Tout vient plus particulièrement d'Angleterre, peut-être de Bretagne, mais sûrement plutôt d'Angleterre, pays de Galles, principalement. Alors, les épées ou les poignards signent-ils une période de conflit, de compétition intercommunautaire ? Non, on n'est pas du tout dans cette ambiance-là à cette époque, en tout cas on n'en a pas l'impression, hein. On n'a pas de violence interpersonnelle découverte sur les restes osseux qu'on fouille tous les ans. Par contre, l'élite, hein, de l'époque, hein, aime à se faire enterrer avec des armes de prestige, hein, de longs poignards, hein, presque des épées, mais le terme long poignard est plus précis, hein. Et ces longs poignards représentent une force. Et par rapport au néolithique, donc juste la période précédente, on est dans une sorte de rupture au niveau des pratiques funéraires. Alors on est dans un nouveau monde, hein, très clairement, on n'est plus du tout dans le néolithique. Ça commence à se développer un petit peu avant avec ce qu'on appelle la culture campaniforme. Durant le néolithique, on pratique la sépulture collective. Il n'y a pas tellement de hiérarchisation sociale de visible, hein. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existait pas, mais en tout cas pour l'archéologue, elle n'est pas visible. Mais dès qu'on va rentrer dans cette phase campaniforme, à la fin du troisième millénaire et plus encore au début du deuxième millénaire avec le bronze ancien 2, hein, là on voit très clairement qu'il y a une forme de complexification sociale et des individus qui commencent à être survalorisés et qui ont droit à des tombes, voilà, à part, des caveaux sous des tumulus, enfin voilà, on est dans autre chose, quoi. Le mobilier le plus extraordinaire est sans nul doute une série de pointes de flèches. Oui, dans cette tombe, ce qui marque le plus, c'est la série de pointes de flèches qui est assez exceptionnelle pour la région. Alors, elles sont de quel type elles sont? Décrivez-nous, parce qu'elles sont quand même très très belles. Alors, c'est des pointes de flèches à pédoncule et aileron. Quelque chose qui développe à une technique finale, sauf que là, on a des vrais petits bijoux technologiques, on dirait un petit home médiéval. Si vous voulez, donc les pédoncules sont écarrés, hein, avec un angle très très marqué, hein, et le pédoncule peut être plus ou moins long. C'est un travail mais très très très fin, hein, au niveau taille de silex, qui est probablement fait d'ailleurs avec un outil en cuivre. Hein, dont on n'a pas tous les résultats pour l'instant des analyses, et je pense qu'à terme c'est ce qu'on verra. C'est une pièce qui est très très fine et qui est très très normée. Très standardisé. On les trouve un peu partout dans la France? Non, c'est un gisement de silex qui est très proche en fait de celui du Grand Pressigny, hein, en Touraine, qui est utilisé à cette époque. Là, les pointes de flèche telles qu'on les a trouvées, elles sont patinées, elles ont un aspect un peu laiteux, blanc, mais à l'origine, elles devaient être plutôt dans des teintes jaunâtres, voire un peu rouges, très proche en fait de ce qui est attendu lorsqu'on coule une pointe de flèche en cuivre ou en bronze. Vous en avez combien dans ce tumulus? Il y en a un peu plus d'une dizaine. C'est un bel ensemble. Je ne sais plus exactement, là, j'ai pas les chiffres en tête. On a probablement affaire à un carquois. Enfin, c'est l'hypothèse qu'on a pour l'instant vu la disposition des pointes de flèche. C'est-à-dire qu'elles étaient visiblement toutes regroupées. Peu de sociétés de l'âge du bronze valorisent le silex, si ce n'est bien sûr l'Armorique, mais aussi, je crois, le Danemark, l'Angleterre. C'est ça, et l'Espagne aussi avec la culture de l'Ardiar. Toutes ces cultures-là, elles apparaissent au même moment, hein. C'est des gens qui commencent à prendre le pouvoir à la fin du troisième millénaire, début du deuxième, hein, autour de 2000 pour faire simple. Hein. Et ces gens vont, voilà, dans certains secteurs, développer des sociétés un peu plus complexes que ce qui existait jusqu'auparavant. Et qu'est-ce que l'on fabrique par exemple au Danemark, hein? Au Danemark, on a des très beaux poignards en silex. Voilà, ce qui n'est plus le cas en France, on a des séries de pointes de flèches aussi. Ça, on a un peu de métal forcément qui circule, mais les poignards sont tout à fait magnifiques. Et en Angleterre? En Angleterre, on a surtout les pointes de flèche, qui sont un petit peu plus frustes que celles qu'on trouve en Bretagne ou en Normandie, mais qui sont quand même de belles factures. Et là, par contre, on a beaucoup d'objets en cuivre et en bronze, hein, longs poignards, albardes et d'autres objets. Et puis des objets beaucoup plus luxueux, on a de l'or, de l'argent, de l'ambre, voilà, du jet. Jadéite. Et ce sont des objets utilisés, utilitaires, ou juste de prestige? Non, on a uniquement affaire à des objets de prestige. Il y a un petit travail qui a été mené par un collègue, hein, qui s'appelle Clément Nicolas, en Bretagne, sur les pointes de flèche armoricaines. Il a pratiqué un peu de tracéologie, et les seules traces qu'on voit, c'est des traces de céréales, en fait. Voilà. L'hypothèse première, c'est que ces pointes de flèche avaient pu servir de l'ordre de rituel pour couper des végétaux. Maintenant, on pense qu'il y avait peut-être des combats ritualisés contre des mannequins en paille. Enfin, tout ça reste hypothétique. En tout cas, c'est vers ça qu'on a l'air de tendre pour l'instant. C'est-à-dire que ce ne sont pas des pointes de flèche qui sont strictement funéraires? Non, pas du tout. Non, on en trouve quelques-unes dans les habitats. C'est forcément plus marquant dans le contexte funéraire parce qu'on en trouve des séries complètes. Mais quand on fouille des habitats de la même période, on trouve toujours 1, 2, 3 pointes de flèche de ce type-là, quoi. Donc avec ce type de pointe de flèche que l'on appelle armoricaine, voilà dans le prestige, voire peut-être plus des objets signes, pour reprendre une notion de Jean Baudrillard. Tout à fait. Il faut aller rechercher un langage symbolique derrière tous ces objets. Si on regarde ce qui se passe juste avant en campaniforme, En fait, on a les mêmes dépôts dans les tombes de prestige. Hein. On a des pointes de flèche, des poignards beaucoup plus petits, hein, des brassards d'archer, enfin des objets qui sont par contre utilitaires. Et on a l'impression que les gens qui vont suivre quelques siècles après, qui vont avoir un pouvoir un peu plus grand, vont réinterpréter ce langage symbolique des tombes campaniformes en ayant comme viatique dans les tombes des pointes de flèche, mais de prestige, faits par des artisans très spécialisés, des poignards, mais des longs poignards, des brassards d'archer parfois, mais plutôt en ombre, voilà, ou en métaux précieux. Hein, on est vraiment dans un langage qui fait la soudure entre cette fin de troisième millénaire et deuxième millénaire, et ce langage, il est similaire dans les différentes cultures que vous avez évoquées. Hein. Dans l'OSX, on va retrouver les mêmes symbolismes, pareil au Danemark et pareil en Espagne. Alors, je crois qu'Emmanuel Guéquer a trouvé dans cette tombe aussi de l'ambre. Oui, alors, lorsque la fouille a été menée par Emmanuel, mais aussi par David Flotté, on a trouvé au tamisage des petits cubes bruns qui sont en fait des restes de parures en ambre. Hein. Donc, il y avait une ou des parures en ambre qui, malheureusement, ont très mal vécu les 3000 et quelques années passées, hein, dans le sol et qui ont fini par exploser. Mais on a aussi ce matériau qui vient de la Baltique dans la tombe de Gibarville. Autre objet, bien sûr, de prestige, le tertre, le tumulus de la tombe. Mais visiblement, vous ne l'avez pas retrouvé. Oui, malheureusement, on est en Normandie. En Normandie, on a connu une grosse industrialisation agricole, hein, en particulier après les années 50, ce qui fait que les terrains sont assez plats. C'est pas très beau, la plaine de Caen. Et il y avait probablement au-dessus de cette tombe un très gros tumulus, comme on en connaît par contre en Bretagne beaucoup, hein. Donc quelque chose de très volumineux qui est bien plus visible que le caveau et qui montre qu'il y avait un investissement fort sur ce type de tombe. Cyril Marcini, qui est le prince? Un petit potentat local? Oui, probablement. Enfin, faut pas imaginer des gens qui ont des véritables royaumes et des grands territoires. Hein. On a affaire à des chefferies. Voilà, c'est le terme qui est consacré. Hein. Et au sommet de ces chefferies, on a un big man, un chef, qui dirige son territoire, qui peut faire quelques centaines d'hectares. Et à côté, on aura un autre big man, un autre chef, qui va regrouper ainsi plusieurs zones domestiques. Revenons à ces tumulus armoricains de cette période, on va dire, dans les années 1800 avant notre ère. La Normandie s'intègre donc dans cette culture? Bretagne et Normandie unifiées? Oui. Ben, c'est surtout la Bretagne qui est unifiée à la Normandie. En fait, c'est une culture normande qu'on n'avait pas repérée pour l'instant. Et on est très proche de la Bretagne, oui. Ce début du deuxième millénaire avant notre ère serait une période de forte hiérarchisation sociale? Oui, très nettement. Il y a une complexification sociale qui est très très différente de celle qu'on peut apercevoir avec nos outils d'archéologue. Hein. Pour le troisième millénaire, hein, on rentre dans un monde très très différent. Ça se sent bien avec les tombes, hein, celle de Gibarville en est un bon élément, mais il n'y a pas que ça. Hein, voilà, on sait à ces projets qu'on va développer les grands parcellaires, en particulier au niveau du littoral, donc des choses avec des fossés très profonds qui montrent qu'il y a un investissement très fort et que la personne qui est à la tête de la chefferie peut engager beaucoup d'hommes pour faire ce type de travaux. On va avoir des enceintes, hein, pour les habitats avec des grands fossés très profonds. En mer, on aura des pêcheries qui vont être construites à cette époque-là, hein, qui vont demander pareil un investissement très fort. Donc voilà, il se passe des choses qu'on saisit pas entièrement pour l'instant, mais qu'on commence de mieux en mieux à comprendre au gré des fouilles, en particulier préventives. Et cela est valable pour l'armorique, mais aussi pour toute la France, l'Europe? Non. Pour l'instant, on arrive à identifier ces éléments dans certains secteurs, et ce sont les secteurs justement où on trouve. Ce type de grand tumulus, hein. Voilà, on a la même chose outre-Manche du côté du Wessex, hein. On a la même chose qui commence un petit peu à se dessiner en Bretagne avec les fouilles menées par Stéphane Blanchet. On a la même chose en bien plus fort en Espagne avec la culture d'El Argar. On a aussi la même chose en Europe centrale avec la culture d'Unité de Serre. Donc voilà, il se passe des choses, idem dans le Danemark, hein. Mais dans certains pôles, on a du mal entre ces pôles à comprendre comment s'articule la société. Gibarville et le prince de Gibarville, est-il un cas unique en Normandie? Alors non, c'est un bel exemple parce que celui-ci il a été trouvé en fouille, mais on avait déjà deux voire trois tombes, hein, de ce type-là qui avaient été fouillées plus anciennement au XIXe siècle, hein, une à Beaumoigne, donc on est tout en haut, hein, du département de la Manche, hein, une à Longues-sur-Mer, on est sur la côte du Calvados, hein, et puis une à Loucet qui est un peu plus, qui pose des problèmes d'interprétation, mais qui pourrait être une tombe aussi, qui est dans l'Orne. Et très dernièrement, on a fouillé une dernière en Normandie à Cagny, près de Cormancy. Et elle possède toujours ce même mobilier, pointe de flèche, poignard, ambre? Alors c'est pas tout le temps la même chose. Les pointes de flèche sont là tout le temps. Les mieux dotés ont les poignards aussi. L'ambre pas systématiquement. Et après c'est sur le nombre de pointes de flèche où ça diffère, sur la qualité des poignards, sur le nombre de poignards, sur la présence de haches aussi. Par exemple, voilà, la tombe de Longue-sur-Mer présente un assemblage beaucoup plus riche avec des haches, des poignards, des pointes de flèche. Donc il y a peut-être aussi parmi ces élites hein, des gens qui sont un peu mieux lotis que d'autres. Cyril Marcigny, ces nécropoles pourraient être, durant cette période, des éléments structurant le territoire? Oui, complètement. Ça, c'est une de vos théories, hein? Oui, et puis on a de la chance autour de Caen, surtout, c'est qu'on a énormément de fouilles. Ah, il y a des centaines et des centaines d'hectares qui ont été étudiés depuis les années 90. Donc on a maintenant une bonne image de toutes les zones funéraires du bronze ancien, toutes les zones domestiques du bronze ancien. Et on a un territoire qui commence peu à peu à se dessiner. Et ces grandes nécropoles avec des gens voilà, qui ont un statut un peu à part hein, semblent être des géosymboles un peu forts. Hein, et on peut commencer à appréhender ces territoires à l'échelle d'un petit secteur de la Normandie, hein, qui est celui de la plaine de Caen, en gros de Caen jusqu'à la mer. Et ça fait à peu près des territoires de quelle surface? On est sur des petites zones. Hein, on est sur des zones qui font entre 20 et 30 km de diamètre. Donc c'est pas des très très grands territoires. Et donc on peut penser qu'il y a compétition entre tous ces petits territoires et tous ces petits potentats locaux? Oui, en fait c'est sûrement ça qui a causé la perte de ces élites. Hein. C'est une théorie qui avait développé Patrice Brun il y a déjà pas mal d'années, hein, mais qui est valide. Hein. Voilà, on a une espèce de territoire en mosaïque avec tous ces petits territoires les uns à côté des autres. Et ces gens ont dû rentrer peu à peu en compétition. Il y a d'autres facteurs qui sont intervenus, hein, voilà, le bronze de plus en plus accessible pour tout le monde, un climat qui est devenu de plus en plus favorable, et tout ça a joué pour que ces gens en fait aient moins de pouvoir par rapport à la société, et tout ça s'est un peu effondré autour de 1700-1600 avant notre ère. Puisque nous sommes dans le week-end océan de France Culture, évoquons les relations de la Normandie avec l'Angleterre, qu'est-ce que l'on peut en dire ? Alors on est très proche hein, de ce qui se passe en Angleterre, on l'a évoqué avec le groupe de Wessex, hein, le groupe de Wessex et la culture armoricaine, c'est vraiment très très proche, on a les mêmes éléments, l'effondrement que j'évoquais là autour du 18e, 17e siècle avant notre ère, les Anglais vont le connaître à la même époque, hein, donc on est vraiment sur quelque chose qui fonctionne un peu en synergie, hein. C'est pas encore le développement des grandes relations transmanches qui vont vraiment apparaître juste après en fait l'effondrement de ces élites, mais en tout cas les élites à cette époque-là sont en relation constante. Un peu plus tardif que Giberville est l'épave de Douvres, qui est bien sûr capitale, qui est exposée d'ailleurs à Douvres, une sorte de grosse barcasse creusée dans un tronc d'arbre et qui ne donne absolument pas envie de s'aventurer au large. Oui, il y a plusieurs épaves de ce type-là qui ont été découverts en Angleterre, qui datent du 16e siècle avant notre ère, donc juste après. Hein. Mais c'est vraiment l'époque où là, il y aura vraiment beaucoup de contacts transmanches. Ce sont des bateaux cousus, hein, et c'est pas vraiment une pirogue, c'est des planches, hein. Sont cousues les unes avec les autres, hein, qui sont après calfatées, hein, et ça fait des grandes pirogues comme ça cousues, qui ont dû s'aventurer en mer. On n'en a pas en pleine mer, hein, on les retrouve sur la côte. Hein. C'est des bateaux qui n'ont pas de voile. Hein, voilà, tout est actionné à la force physique. Hein, c'est des rameurs. Hein, et on en a une qui a été découverte en Cornouailles où il y a du matériel à l'intérieur, hein, qui montre justement ces importations. Normande et Picarde vers la Grande-Bretagne. Cyril Marcigny, pour l'occasion, écoutons Julia Boeto du CNRS qui nous raconte la découverte d'une rarissime épave, bien sûr de l'âge du bronze, mais en Croatie. Il s'agit d'un pêcheur qui habite à Zambratia, c'est le nom de ce petit village, un village touristique classique de la côte istrienne. Et ce jeune pêcheur avait vu sous le fond de la mer des bouts de bois. Donc il fait aussi de la plongée en apnée et il était descendu et il avait vu justement des planches en bois, des membrures. Mais il avait pensé comme ça à quelque chose qui avait été jeté, il n'avait pas fait trop attention. Mais à un certain moment, vu que les spécialistes du musée archéologique d'Istrie étaient là en 2008, il a pensé comme ça de déclarer, de dire qu'il avait trouvé quelque chose. Mais lui, justement, pensait à un bateau moderne, hein, pas du tout à une épave antique. Et puis alors, mes collègues du musée de Poulain, Ida et Marco, ont plongé et ils sont restés complètement émerveillés devant ces bouts de bois, parce qu'ils ont reconnu l'assemblage, le type d'assemblage typique de l'époque antique, c'est-à-dire justement ces ligatures. Et là, ils se sont dit, non, nous sommes devant une épave antique, c'est pas du tout quelque chose de moderne, et on va essayer d'organiser une fouille pour étudier de manière plus approfondie. Julia Boeto, cette épave, elle daterait du XIIe siècle avant notre ère, ce qui correspond bien sûr à l'âge du bronze. Cela est très ancien et a surpris absolument tout le monde. On a décidé de dater par le radiocarbone un fragment du bois. Alors, c'est une datation qui peut poser certains problèmes pour ce qui est du bois antique, et quand même on a une fourchette de datation plutôt large, mais qui nous place quand même à une époque pré-romaine, et nous sommes entre le 12e et le 10e siècle avant. Mais en tout cas, nous sommes sûrement à l'époque de l'âge du bronze, bien avant l'époque romaine. Quelles sont les caractéristiques de cette épave croate de l'âge du bronze ? Alors, il est conservé sur 7 mètres de long et à peu près 2 mètres de large. L'épave en soi se conserve très bien pour ce qui est d'un flanc. Donc, on a la partie axiale et un flanc du bateau qui est conservé juste au plat-bord, c'est-à-dire au niveau plus haut. Cela pourra permettre à terme une restitution des formes d'origine. Nous avons là, dont vous savez, un bateau est symétrique d'un côté et l'autre de son axe central. Donc nous avons bien conservé toute une partie, et par basculement, on pourra aussi connaître la forme transversale de ce bateau, parce que, en effet, les bateaux sont symétriques. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Cyril Marcigny, la Normandie et la Bretagne sont alors en étroit lien avec l'Angleterre, notamment avec la culture de Wessex. Cette culture de Wessex est bien sûr associée à la construction et à l'utilisation des phases tardives de Stonehenge, gigantesque monument astronomique. Oui, complètement. Oui. La fin, en fait, la partie qu'on connaît visuellement la mieux, hein, celle avec les pierres bleues, le monument en pierre, en fait, hein, date de cette culture de Wessex, hein, et a probablement été planifiée justement par une des élites qu'on évoquait jusqu'à présent. Alors bien sûr, Stonehenge est un extraordinaire monument astronomique. Écoutons aussi une découverte qui a été faite en Allemagne de l'Est, il y a maintenant quelques années, le fameux disque de Nebra. On écoute alors une archive avec Patrice Brun, professeur à la Sorbonne. Cet objet, qui est tout à fait exceptionnel, a été trouvé aussi dans des conditions relativement exceptionnelles. Il a été découvert par des clandestins, hein, avec une poêle à frire. Et donc ces gens-là sont tombés sur une sorte de trésor d'objets métalliques, d'objets en bronze, dont un disque. Des fouilles évidemment ont eu lieu par la suite, des fouilles d'assez grande surface. Le dépôt en question donc se trouvait dans une fosse qui avait été creusée en pleine terre. Et donc, outre ce disque, hein, qui est relativement petit, hein, une trentaine de centimètres, 32 centimètres exactement de diamètre, pour un poids d'un peu plus de 2 kilos, avec ce disque, il y avait donc deux épées de très très belle facture, deux brassards spiraliformes en bronze, deux haches et un ciseau. D'après nos connaissances typologiques, ce dépôt a été mis en terre très probablement autour de 1600 avant Jésus-Christ. Ce disque donc est en bronze. Et dessus, on avait fixé des pastilles ou des plaques d'or. Alors, il y avait 32 petites pastilles en or, un disque en or également plus grand, que l'on interprète soit comme le soleil, soit comme la pleine lune, un croissant, donc que l'on interprète évidemment comme le croissant de lune, des plaques également donc en forme de banane, en quelque sorte, hein, trois plaques, dont une un peu plus petite. Et puis, le plus intéressant, donc le plus significatif, le dispositif donc des petites pastilles représente manifestement la constellation des Pléiades. La constellation des Pléiades, telle exactement du point de vue stylistique, telle qu'elle est représentée sur certains bas-reliefs hittites en particulier. Les archéologues et les astronomes pensent que nous pourrions avoir affaire à une sorte de carte. Effectivement, à partir du moment où on a le repérage de la constellation des Pléiades, où effectivement le grand disque évoque tout de même un astre, le croissant également, toutes les petites pastilles évoquent en effet également des étoiles, on peut penser avec quand même une très très grande probabilité de ne pas se tromper qu'il s'agit d'une représentation d'un ciel étoilé, bien entendu. Et dans ce cas, en effet, il s'agit de la plus ancienne représentation connue au monde. On constate que si l'on pose le disque à plat, donc à peu près à l'endroit où il a été trouvé, on a des angles de visée qui permettent d'avoir des points de repère à l'horizon correspondant au solstice d'été et au solstice d'hiver. Solstice d'été, donc à la fois lorsque le soleil se lève le matin et lorsqu'il se couche le soir. Même chose pour ce qui concerne le solstice d'hiver. On a aussi d'autres dates qui peuvent être repérées de cette manière. En particulier, le fait que ce n'est pas à n'importe quel moment de l'année que l'on peut effectivement voir la pleine lune avec la constellation des Pléiades à proximité de manière très claire. C'est dans deux cas, semble-t-il, d'après les astronomes. D'une part, en mars, probablement au moment où il s'agit de faire les semailles, et puis en automne, ce qui pourrait correspondre aussi à une autre date importante dans le cycle des travaux agricoles en particulier, et peut-être donc pour les dernières moissons. Cyril Marcigny, en deux mots, vraiment en deux mots, l'INRAP et Wessex Archéologie vont fouiller Stonehenge ? Ils vont pas fouiller Stonehenge, ils vont fouiller autour de Stonehenge. Il y a une route qui est prévue, qui va être construite les 10 prochaines années en Angleterre pour aboutir sur un tunnel qui va passer sous Stonehenge. Et donc de chaque côté de ce tunnel, il y a des fouilles qui sont prévues puisque Stonehenge n'est pas isolé dans le paysage. Tout autour, il y a énormément de tumulus, des monuments très divers. Et donc l'idée, c'est de sauver par la fouille ces éléments avant la construction de cette route. Et pour ça, il y a eu un appel d'offres. Il y a Cyril Marcigny, nous en reparlerons sûrement. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Cindy Le Grumelec, et bien sûr avec Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, place aux ruines d'Alain Schnapp.